Jane Carmichael. Allez, je pars derrière le drums. Ben parce que c'est un truc que j'ai écrit à cette vitesse-là. C'est un peu une autre chanson pour Haïti. Terre tremble pour que les hommes enfin comprennent. J'attends que le drum se démarre. J'ai largué autrement. Pourquoi faut-il que la terre tremble pour que les hommes enfin comprennent que par le cœur ils se ressemblent et oublient convoitisaine? Pourquoi faut-il un tsunami pour qu'ils se tendent enfin la main, deviennent des frères, des amis? S'acharne sur les pauvres, les démunis, et que Dieu ou Allah épargne les langues et les nantis. Pourquoi faut-il une pandémie à l'échelle de la planète pour qu'enfin nos yeux endormis voient la valeur de tous les êtres? Qui peut répondre à mes questions? Qui possède la solution? bien te mort à enterrer. Et l'orphelin consolé pour que l'on puisse retrouver juste un soupçon d'humanité. À quoi bon se faire la guerre pour un dieu à l'opin de terre quand on peut perdre en un seul jour ce qu'on a construit par amour? Qui peut répondre à mes questions? Qui possède la solution? J'étais même pas calé. Moi je vais aller préparer le casse-croûte. Salut à tous. Hi ho. Thank you. Thank you.